Et bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 22 novembre, il est 21h déjà dépassé de 25 minutes et nous allons partir ce soir sur un petit live jeu de rôle, un petit live jeu de rôle sur Dungeon World. Nous allons créer avec les différents, mes trois joueurs, le setting de jeu et... le setting de jeu et de et les persos, tout simplement, voilà, définir un peu tout ça. Donc on va live un peu ça tranquillement. Donc toute la partie tout va être fait à l'arrache en fait, que ce soit la création et tout ça, mais aussi le live un peu, parce que j'ai préparé un peu au dernier moment les choses. Donc, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Donc, n'hésitez pas à discuter, tout ça, ça sera sympathique. Donc, voilà, on est bon là-dessus. Je vais activer le Discord. Tac, tac, tac, tout ça c'est bon, ça a l'air de fonctionner. Salut Mister Dingue, Monsieur Dingue, bienvenue à toi. Alors hop, je vais me démuter et pouvoir écouter toutes les conneries que sont déjà en train de dire les joueurs. Voilà, hop, on est en live, tout est à l'écoute, normalement tout doit fonctionner. C'est pas tout à l'égout. Total You ? Non, c'est pas Total You. Ah bon. Donc j'espère que... Ouais, ça a l'air d'aller. Pour l'instant. Imhotep. Pour l'instant. Voilà. Bon. Donc voilà, on est sur cette séance 0 de Dungeon World, jeu que vous connaissez, mes chers joueurs, parce qu'on a fini notre première saison dessus. Et sauf qu'à la fin de cette saison, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. On fera un petit récap. Et pour le coup, bah, vous étiez bien chaud pour faire une deuxième saison. Et entre autres en utilisant le setting, un peu le lore que vous avez créé, voilà. Alors, parce que ce lore vaut de l'or. C'est ça. Enfin, je m'y attendais pas du tout à celle-là. Ouais, ouais, c'est la maison du BG. Dungeon World, c'est le nom du jeu. Le nom du jeu, c'est un jeu en... C'est un PBTA. Voilà, un jeu propulsé par l'Apocalypse. Si je me connectais sur Roll20. Oui, ce serait mieux. N'est-ce pas ? Ce serait largement mieux. Tac. De toute façon, ce serait même bien que vous soyez tous connectés à Roll20, chose que vous n'êtes pas. Oui, c'est en cours. Normalement, non, c'est pour moi. Ouais, je te vois pas. Non, c'est parce que je suis sur Roll20, mais je suis pas dans le... D'accord, ok. Non, c'est pour ça que j'étais en train de... Ah bah, il est connecté à Roll20, hein. Oui, il est connecté à Roll20, je suis tout à fait d'accord. Dungeon World. J'ai moins internet. Galère chez moi, ça. Même ton stream, j'arrive pas à le charger. Et je suis pas con. Je sais pas d'essayer de le trait quelque part. Hop. Tac, ça c'est bon. Nana, on est bon là-dessus. Bon, j'arrêterai la musique de fond quelques minutes. Donc, nous avons ici les anciennes. Anciennement Snorri le clairvoyant. Anciennement Fafnir le glorieux. Anciennement Lucifer, apôtre de la mort, prophète de la destruction. Dans ta gueule. J'ai pas fini. Je m'en fous. Ravageur de vie, avatar de l'apocalypse. Voilà. Bon. Hop. À chaque fois qu'il veut dire son nom, il y aura le petit truc de la boule d'éponge, c'est One Eternity Later. paf. Ajouter un sous-dossier. C'est la similitude avec Dungeons and Dragons. Là, c'est dans un univers fantastique. C'est la seule similitude. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est de l'héroïque fantasy et les similitudes s'arrêtent là. C'est ça, Il peut ne pas y avoir des donjons. Et potentiellement des dragons aussi. Peut-être. Ah bah le MJ il a dit non pour les dragons. Ah bah merde. pour le coup, voilà, c'est pas un jeu qui se joue avec. Alors, pour vite parler de PBTA, vite fait, donc ce n'est pas un jeu qui se joue avec un D20, mais ce sont un jeu qui se joue avec 2D6. C'est 2D6 plus une caractéristique. En sachant que si. Dans ton jet, si tu fais un 6 moins, c'est un échec. Si c'est entre 7 et 9, c'est une réussite partielle. Donc c'est un oui, mais il y a quelque chose qui se passe. Et un 10 plus, c'est une réussite. Voilà. Donc après, en fait, le PBTA, c'est un jeu de rôle plutôt narratif. Orienté voilà, vraiment plus narratif que système. Et en fait, le but des échecs et du oui mais même de la réussite, en fait, c'est de rebondir et de rajouter en fait un événement en fait voilà, qui sera positif ou négatif ou entre deux, et sur lequel les joueurs ou le MJ, enfin surtout plus les joueurs, doivent rebondir et voilà. Et c'est très permissif dans le sens où, enfin moi en plus je mets très permissif parce que je récupère beaucoup de choses de ce que font les joueurs et de ce qu'ils amènent, surtout leurs conneries, ça hein. Bleu-t-il quelle connerie. Non mais c'est tout à fait sérieux ce qu'on fait, voyons. Enfin bon. Donc là on a les notes de session en fait, donc un peu de ce qui s'est passé dans la 9e épisode de cette saison 1, qui a vu donc la fin de nos trois anciens héros, qui étaient Fafnir, un barbare, Lucifer, un immolateur, voilà, j'ai un truc. Et Snorri qui était un chaman. Snorri le clairvoyant. C'est important. Donc qui était, voilà, qui avait tous un but commun, il fut un temps, et en fait ce but commun n'est même pas arrivé jusqu'au bout, donc il s'est passé une chose en fait, c'est que ils ont tous eu une... des clopes et puis ça fait un peu ça. Un bus s'est passé. Et il s'est passé que il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées, et la dernière chose qui est arrivée, c'est un événement avec un élémentaire de feu. Voilà, je cherchais l'élémentaire. Oui. Un élémentaire de feu géant qui est apparu sur dans la montagne du festin. Oui, toute ressemblance est tout à fait logique et normale. Hein. Il n'y a rien de fortuit. Toute référence à la con est absolument voulue. Voilà, c'est ça. Donc la montagne du festin, et sur lequel en fait il y a eu un combat entre Fafnir et cet élémentaire, et donc Fafnir est mort, ou en tout cas est devenu une statue, voilà, suite à une malédiction qu'il avait déjà quelques temps avant. Il a réussi à battre, à écraser le cœur de cet élémentaire de feu avant de tomber, que sa maladie le transforme complètement en pierre. Mais son âme a été sauvée par Snorri le clairvoyant. Snorri le clairvoyant qui s'est battu lui pendant que l'un se battait contre l'élémentaire de feu, Snorri le clairvoyant se battait lui contre le nincrement, le Nincroman, le Nam Nécroman, Nincroman qui a ouvert une porte, je dirais même, c'est même pas une porte comme on avait dit ça, c'était une... on va dire voilà une porte qui contient en fait l'énergie magique de ce monde, l'énergie magique en fait qui venait des titans, des voilà, avant les titans étaient les seuls à détenir cette magie, et c'est pendant leur grande guerre que les titans sont morts, mais qu'un reste de magie est resté dans la sur ce monde, et que les petits gens, hein, on va dire, dans le sens où tout ce qui est plus petit en fait qu'un titan a pu récupérer un peu de magie, sauf que ce Nincroman a su que cette porte, la porte de Baladur, permettait en fait de canaliser l'énergie titanesque de magie, et donc Snorri s'est battu et a réussi à vaincre le Nincroman, mais sans et rentrer dans la porte, dans cette fameuse porte de Baladur, et a fait qu'un avec la magie titanesque, et c'est grâce à cette magie titanesque que tu as sauvé l'âme de Fafnir. Le glorieux, le sauveur de ça. Snorri. Voilà, qui, mais en échange oui, de la disparition pure et nette de Snorri, qui n'a fait plus qu'un avec une magie. Et donc le lieu où se trouve la fameuse porte de Baladur se trouve donc maintenant des champignons, qui étaient le coin que recherchait le fameux Snorri. Le running gag que recherchait Snorri. Voilà, c'est ça. C'est un peu le running gag, c'était l'écorce. Les champignons, oui, c'est ce qui permettait, c'est ce qui donnait sa clairvoyance à Snorri. Voilà. Faut savoir que on se prend pas la tête, c'est vraiment, on est en mode bien, enfin on rigole et tout ça. Faut pas s'attendre à du sérieux. On a réussi à faire des choses tout en voilà en se marrant. Je dirais même que c'est sérieusement con. C'est sérieusement con, tout à fait. Donc suite à ça, bien entendu, il nous reste un troisième luron. Le troisième luron, Lucifer. Lucifer, lui, est resté dans la ville, la cité qui était au pied du volcan. Lui, pour combattre le baron brigand Gandhi et sa brigade civile, mais en choisissant de devenir mauvais. Voilà, il a récupéré en fait de la puissance une partie de la puissance de ce fameux élémentaire de feu pour être dépassé par cette puissance, et également faire le choix de pas faire les bonnes choses. Donc, il a un ou deux fusibles qu'on lâchait. Voilà, il y a un deux fusibles qui ont lâché, qui a fait que le monsieur s'est autoproclamé apôtre de la mort, prophète de la destruction, ravageur de vie, avatar de l'apocalypse, et a décidé en fait que la ville de Wolfsburg, qui est la cité de Wolfsburg, qui était donc dirigée par le baron brigand Gandhi, serait sienne, et donc s'est mis en tête de purifier toute cette ville. Alors le problème de cette ville, c'est que cette ville, avec tous les combats, tout ce qui s'est passé, et les différents tremblements de terre à cause du volcan et du combat contre l'élémentaire de feu, la ville a eu des séismes, des choses sont ouvertes. Cette ville en fait a été créée au-dessus d'un cimetière indien. Donc des morts-vivants indiens sont envahi la ville. Le fait que si ça a ouvert et amené une nouvelle ressource, en fait cette ville a une nouvelle ressource, des fameux des cristaux qui sont un bleu, un noirâtre, violet, enfin voilà, qui sont un peu couleurs comme ça, un peu changeant, qui est utilisé pour beaucoup de choses un peu magiques, un peu technologiques, très recherchées par l'Imperium nain, enfin l'Empire nain, et donc cette ville, au fur et à mesure, bien que, on va dire, tenu par Lucifer devenu méchant, le Lucifer apôtre des morts, prophète de la destruction, ravageur de vie, avatar de l'apocalypse. Cette ville. Oui, je sais. C'est pour ça que je le fais. Cette ville est maintenant en fait un lieu où tout le monde converge, et où cette ville a plein de petits bastions de différents groupes, de différents gangs. Tu as ce fameux baron brigand qui est toujours en vie, qui essaye de récupérer sa ville. Donc tu as Lucifer et je ne sais quoi encore, parce qu'on n'a pas encore décidé qui est dedans. Les nindiens morts vivants qui sont revenus. Tu auras sûrement des héros, il y a tout un truc sur lequel on va travailler ensemble pour décider. Mais voilà, donc clairement il y a eu beaucoup de choses. Je fais un petit passage très rapide sur tout ce qu'on a pu dire et tout comment ça a pu être fait. De toute façon, vous avez sous les yeux en fait un peu la note de session très rapide que j'ai pu faire, parce qu'il y a eu tellement de conneries qui ont été dites dans la dernière session que tout est enregistré, mais au niveau vocal, mais j'ai même pas eu le temps de faire un débrief là-dessus. Donc le plus important maintenant, ça va être de créer le setting dans ce qu'on va jouer. Moi, je vous ai proposé de se focaliser en fait sur cette ville. J'avais idée de vouloir en fait faire nos parties dans cette ville et peut-être dans les alentours très proches pour se faire un peu une Mordheim. Hein. Je me suis pas caché du tout à la référence que je voudrais bien avoir de cette ville. Oui, parce que toutes nos autres références ont été tellement subtiles. Subtiles, tout à fait. Subtiles. Oui, parce que j'ai oublié de dire qu'on a eu le chevalier Captain Arabica, hein, chef de l'ordre des Sandars, qui a aidé aussi notre Fafnir le Glorieux. Enfin, il y a beaucoup de choses, il y a vraiment trop de trucs, c'est difficile de tout expliquer ici maintenant. C'était Captain Arabica parce que c'était le plus pur d'entre eux. C'est ça. C'était ça, je crois. Je sais pas qui l'avait sorti. Voilà. Parce que voilà, il faut savoir que l'ordre du Sandar, c'est l'ordre de pompiers religieux. Enfin, voilà, il y a plein de trucs. Enfin, c'était gros. C'est un bordel. Vous inquiétez pas, c'est normal. C'est comme ça que doivent être les parties. C'est tout un truc. Mais qui est tout à fait logique sur le moment, parce qu'en fait, la cité habite juste au pied d'un volcan. Donc c'est pour ça. La montagne du festin. La montagne du festin. Parce que là, on est aux fameuses régions du Dormor. Voilà. Pas très loin des portes de Baladur. C'est ça. Bah, il y a la porte de Baladur, mais qui a été ouverte. C'est la vallée où s'en cendre en plus. C'était ça au départ. Le but, ça va être de mettre un setting, de choisir nos persos, créer les persos, faire les liens, tout ça. On va refaire un peu tout ça. Je sais pas, monsieur les joueurs, mesdames et messieurs les joueurs, qu'est-ce que vous préférez de faire en fait ? Vous préférez qu'on commence les persos ou plutôt le setting ? Plutôt le setting, parce que du coup, en fonction du setting, ça va peut-être influencer le perso que je vais jouer. Ok. Maintenant que je connais bien le système de jeu et tout, je suis plus à l'aise que la dernière fois où j'avais un perso qui m'inspirait et puis oh fuck it, on fait des conneries. Oui, il était quand même inspirant, hein, même dans le fuck it, je fais des conneries. Hein. Ah oui, non, c'est de mémoire récente, c'est un de mes persos préférés que j'ai joué. Hein. Juste magnifique, Snorri. Alors, c'est saison 2, épisode 0. Je n'oublierai jamais la façon dont vous proposez de l'écorce. Je crois que le meilleur truc de Snorri, c'est que son histoire a pris fin avant que le perso commence à devenir relou. Oui. Je crois que c'est le plus beau quand même. Et quelque part, c'est un grand succès. C'est un grand succès, ouais. Tout à fait. Bah mine de rien, je sais plus, à la deuxième ou troisième séance, je vous ai dit, hein, bon les gars, le jour où Snorri devient trop chiant, surtout, dites-le moi. Hein. C'est ça. Voilà. Et ce jour n'est jamais arrivé. Ouais. Non, parce qu'on a eu la bonne idée. J'ai eu la bonne idée de tuer. On a eu la bonne idée de le tuer avant. Parce que le MJ a décidé que rocks fall, everyone dies. Oui, mais parce que c'était le meilleur moment de le faire, je trouve. Et je pense que vous êtes bien d'accord avec moi. Oui. Moi, je suis pas mort. Tout à fait. Non, toi, tu es juste éternellement damné et fou. Ce qui est quelque part pas mieux. C'est une mort en soi. Sachant que Dungeon World, le but de jouer à Dungeon World, c'est de jouer des héros, des vrais quoi. C'est même pas des demi-teintes, tout ça, c'est vous êtes de vrais héros quoi. Oui, bah pour l'instant, non. Enfin, oui, il y en a deux qui ont réussi, il y en a un beaucoup moins. Quoi ? Non, mais c'est le héros déchu, c'est la tragédie grecque, c'est. Tu vois, c'est. Oui, je suis le héros déchu, déchu même. Ouais, ça c'est comme voilà. Ça qu'il appelle son donjon. Les hein, adorateurs, c'est l'échu. Bon voilà, on a premier settings de début de partie. Alors attends, hop. Je fais vite fait un truc, tac. J'ai juste fait un arrêt relance du live vite fait pour essayer d'avoir la qualité du. Salut joli rouge 83. Je sais pas si le live a été relancé. Ouais. Je sais pas. Voilà, donc de toute façon. Doudoum, ok, d'accord, j'ai eu un gros doudoum. Ok, j'ai le live qui arrive pas à se lancer. J'arrive plus à relancer le live. Non. Bon, pareil, il y a toujours c'est le record. C'est un peu gênant ça. Impossible d'accéder à la chaîne de clés de stream spécifiée. Ça pue. Nous avons un problème, man capitaine. Ah, y'a. J'ai envie de dire, c'est pas que. Pas qu'un, quoi. Graine de héros, c'est génial. Tu vois, c'est ça la classe gamma dont je parlais. Immolateur, ça a l'air bien, ça. Ouais. Invocateur, ça peut être rigolo. Oui, oui, tu vas faire un immolateur. Il va s'appeler quoi ? Safurli ? Non, faut que je trouve autre chose. Saturnin. Le premier qui me dit que c'est un nom de canard, je le crame. Bon, c'est un nom de nain. Il faut le mettre de côté. Oui. Ah ouais, c'est les nains, c'est les nains qui font de l'astrologie, c'est des Saturnins. C'est ça. Il y a plein de classes bien dans le nouveau truc que tu nous as filé, quoi. Ouais, non, il y en a des cools, hein. Je sais pas pourquoi en fait j'ai perdu tout mon profil en fait. T'es sur quoi? T'es sur OBS? Ouais. C'est bizarre. Relance-le. Ouais, le problème c'est que le relancer c'est que je dois couper le record. Je voulais pas éviter de couper le record. Bon bah tant pis, hop, je coupe le record, on revient.